Un classique en foire, classique en foire, classique en foire. Niaiser, niaiser, niaiser. Je viens faire de gros dégâts, leur fric, ça m'est égal. Tu captes? Yeah. Je viens faire de gros dégâts, leur fric, ça m'est égal. Vieux rien d'offert, crois pas que je m'égare. Mieux vaut quelques vrais gars que plein de faux frères. Non, ne vois pas comme un exemple, je suis bien trop faible. Ce serait indécent, je suis ni ton daron ni un prophète. Soyons vrais, pas besoin de trophées. On a que ce qu'on mérite, ma main, je m'assomme à que ce qu'on. Je crois que le son m'a guéri de moi-même, ce monde est fou. On cherche plus la paix, on se tue, moi je me défoule. À kicker devant des foules ou rapper, on se tue. Zélés, ils ont qu'une question sur les lèvres, sur le trône qui est ainsi. Des anciens, je suis les lèvres, je manie les lèvres, je prends le chromie et te fascine. Ils savent que j'ai les pros stockés, ils aimeraient stopper la machine. Mais je reste opé, ils auront beau stopper mes flots, c'est de la magie. Plus le choix, j'agis. Quand t'as la tête sous l'eau, t'es vite asthmatique, maintenant je respire. Troisième projet solo, je dédicace ma team. Les gars s'activent malgré la peine, n'ont plus rien à prouver, à perdre. Moi je suis plus de ceux que les gars s'attirent. Je crois bien que j'ai trouvé la perle. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. Vieux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux. Tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Tu rallumes un énième pilon, t'écoutes le ce que dit, t'es def, hein. Forge-toi une opinion, oublie ce que dit TF1, hein. Le rap c'est des affaires, ils visent le succès, faire des sons qui paient, plus rien de profond. Au fond tu sais que les dés sont l'auditeur pris au sérieux, c'est vrai, sur aucun ce que j'ai lésé. Ne crois pas que partir mes frais, mais je veux être fier de ce que je vais laisser. J'essaie de varier les flows, les styles, je suis en studio, je tape pour ceux qui soutiennent, je veux. Que les miens se rappellent de moi quand je reste sous terre. Je suis celui qui attend son tour et se démène. Ce fauve attaché insensible. Je fais des efforts pour rester le même. Mais le formatage est intensif. On en cause peu, non mais sans blague. Les médias nous diabolisent. À cause de je sais plus si j'ai plus peur de mes semblables ou de la police. Vieux, des fois j'ai plus le moral, plus de sous pour faire le moi. Tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Vieux, des fois j'ai plus de morale, plus de sous pour faire le moi. J'veux, tu te rappelles de mon rap, les miens soient fiers de moi. Les miens soient fiers de moi.